Scribe. Pas cette tune pour du Louis V ou du Gucci, c'est Reebok sale musique. Yeah. Scribe. 71. Ok. Ok, un peu scrim mon pote, je te débarque. J'ai trop les crocs, j'ai trop la dalle. C'est le money time, je me dédémarque. Appelle-moi Kobe, passe la balle. Passe le mic, j'fracasse l'instru. Un blanc qui déchire mais qui l'eut cru. Dans le rap, y'a pas de couleur. Black, blanc, rebeu, frérot, j'vois pas d'intrus. J'ai le flow, j'ai la rime et la plume, j'ai la fine. C'est le rap et d'être, je le réanime. La forme et le fond, je les combine. Ta petite copine, je la fascine. La petite coquine, plein de mousper sur les babines. Un trop sucé de la teub, elle finit avec une angine. Amateur ou pro, j'fais du rap, rap donc respecte. Mon frère m'a dit, tu veux percer. Ok, ok, mais reste vrai, reste prêt à tous les sacrifices, fils. Ne capte pas les vices, ta pute s'est fait péter par tous les orifices, fils, file de là, mazik vient de l'au-delà, mais qu'est-ce que tu parles de coque là, grosse sac tu te chutes au Nutella, et dans l'ongle et dans l'ongle comme Dracula, j'nique tout comme Attila, ça parle de pute, avoue que tu squattes le 36-15, une bafana, une banana, deux bananas, t'as bien capté bouffonne, prépare-toi pour une double anale, les rappeurs se prennent pour Superman, genre, qui casse, hey, tu veux un feat, sale fils de... Kiss my ass, yeah. Tu fais pitié, tu te sapes chez Rivaldi. Reste à poil ou commande-moi un t-shirt peu script. Crie, yeah. La vérité sort de la bouche des piliers de bar. Dans le monde sacré, lâchez de salope, demande à Bigard. Hein. Yeah. Parce que je fais pas du rap, c'est franc. Je fais du rap, hein, c'est franc. Nique ton flow à 6 francs. Critiquez parce que le rap c'est franc. J'ai pas de bande, j'ai pas de clan. Je suis pas scophile donc pas de plan. Pour m'évader de cet enfer, pour le paradis, je ferai pas de blanche. J'ai pas de blanche dans le zen, mon poteau. Je suis pas Jean-Luc de la Hure. Je crache un molard sur les bâtards. Gros big up à Eric Zemmour. Touche pas trop les murs de mon bloc, j'ai pissé partout. Je marque mon territoire, je te préviens, j'ai fait tout le pourtour. Oh oh, aïe aïe aïe. Quand je prends le mic, c'est le fire. Je foufou le da wawawa. Je bombarde comme une kawawawa. Oh oh, aïe. Aïe aïe, le rap français, je vais le balayer. Le fils de pute qui veut me niquer la vie, je le baisse lui, hey. Sa mère, son père, ses frères et ses sœurs. Wow, enfin surtout sa sœur. Yeah, lol. Bubuscri, bubuscri, bubuscri, bubuscri. Chargé, chargé, chargé, chargé. Bubuscri, bubuscri. Bubuscri, bubuscri, chargé, chargé, chargé, chargé, chargé. Bubuscri, bubuscri, bubuscri, bubuscri, chargé, chargé, tirez, tirez, tirez, tirez, tirez.